Bonjour ou bonsoir. Aujourd'hui, je vais vous lire un document assez particulier puisqu'il s'agit d'une note du CREOGN qui est le Centre de Recherche de l'École des Officiers de la Gendarmerie Nationale. C'est une note qui est parue en juillet 2016, juste après la série de très très longues de manifestations contre la loi travail et qui a pour nom les Black Blocs, preuve de la mutation de la contestation sociale. Et si je vous lis cette note, c'est parce qu'en fait, j'aurais tendance à dire que c'est sans doute un des meilleurs articles que j'ai pu lire sur le sujet, en dehors de choses plus complètes faites par des sociologues ou par des personnes de l'intérieur. Mais en provenance de personnes dont on ne s'attend pas forcément d'avoir une vision aussi claire de ce que peut être les Black Blocs et de ce que j'en connais, parce que franchement je ne suis pas du tout une experte sur le sujet, mais voilà, de ce que j'ai pu observer pendant pas mal de manifs et comprendre aussi, cette note est franchement pas si pire. La voici donc, les Black Blocs, preuve de la mutation de la contestation sociale. De l'avis général, les débordements survenus récemment lors des manifestations contre la loi travail ont été le fait de « casseurs », entre guillemets. Mais comme le dévoile justement un article paru dans Le Monde le 28 mai 2016, il y a, ouvrez les guillemets, derrière les casseurs, toute une galaxie, fermez les guillemets. Au sein de cette dernière, le grand public a du mal à distinguer les Black Blocs des simples vandales en raison de l'image générale de violence véhiculée par les médias au détriment des revendications réelles de la manifestation conventionnelle. Donc il y a une première partie qui concerne une nébuleuse activiste née outre-Rhin. Originaire d'Allemagne, les Black Blocs désignaient initialement des groupes d'autonomes, autonomen, installés dans des squats du Berlin-Ouest des années 80. Lors d'opérations d'expulsion par les policiers, les autonomes sont descendus dans la rue pour se défendre, habillés de noir et masqués, ce qui leur a valu le nom de Schwarze Block, bloc noir. La technique du Black Block s'est développée progressivement grâce à des fanzines, à des sites internet spécialisés ou encore à la contre-culture punk. Cela a permis sa diffusion à travers le monde, en particulier dans les grands rassemblements internationaux tels que les sommets de l'Organisation mondiale du commerce, de l'Union européenne, du Fonds monétaire international ou encore de l'Organisation du traité Atlantique Nord. Du fait de cette diffusion transnationale, on constate la présence de personnes étrangères, allemands et italiens entre autres, lors de manifestations nationales. La forte mobilité des participants au Black Bloc a permis ensuite la diffusion des tactiques au niveau national. Ces groupes apparaissent dans les médias pour la première fois lors du sommet de l'OMC en 1999 à Seattle, aux États-Unis. D'où la transformation de Schwarze Block en Black Bloc. Ils sont remarqués en France à la fin des années 2000 à l'occasion du sommet de l'Union européenne à Nice, puis refont surface de manière flagrante lors des événements de Notre-Dame-des-Landes en 2014 et sont encore d'actualité en 2016 avec la loi travail. Pour l'auteur Francis Dupuy-Déry, l'expression Black Bloc désigne, ouvrez les guillemets, une forme d'action collective, une tactique très typée. Elle consiste pour ces manifestants à manœuvrer groupés de sorte à prendre l'apparence d'un bloc au milieu duquel chacun préserve son anonymat, le port d'habits noirs de pied en cap et d'un masque parachevant l'anonymat de la posture. Fermez les guillemets. Je me permets une toute petite intervention pour vous dire que je mettrai le lien vers l'article, le PDF dans la description. Parce que le PDF comporte pas mal de références à ses sources, des références entre autres justement de ce livre Les Black Blocs, la liberté et l'égalité se manifestent de François Dupuy-Déry, et puis aussi d'autres choses comme des revues dans Infokiosque ou des choses comme ça. Donc ça vaut le coup d'aller voir ces notes. Je reprends la lecture, excusez-moi pour cette petite note. Ainsi, donc, les Black Blocs se distinguent des manifestants classiques par leur apparence et par leur organisation. Le fait d'être tous habillés totalement en noir a un impact visuel et médiatique fort. Cela assure aux participants l'anonymat et l'unité, caractéristiques principales d'un Black Bloc. Leur organisation est originale car ce sont des manifestants qui apparaissent en groupe compact au sein du cortège et restent groupés jusqu'à la fin. A l'inverse, les simples casseurs sont très individualistes et se dispersent dès l'arrivée des forces de l'ordre. L'effet de masse qui en découle participe de l'image impressionnante de solidité et d'union qui émerge d'un Black Bloc. Pour eux, la masse procure la sécurité. Les Black Blocs sont des entités éphémères car, si leur aspect ne change pas, ouvrez les guillemets, la composition de ces groupes fluctue au gré de leurs apparitions. Fermez les guillemets. Il faut donc parler d'un Black Bloc et non du Black Bloc. Ils sont composés d'une agrégation de groupes affinitaires de quelques personnes qui ne sont pas les mêmes d'une manifestation à l'autre. De fait, un Black Bloc est organisé de manière horizontale. Il n'a ni hiérarchie ni chef. Ce fonctionnement en réseau permet aux groupes affinitaires une très grande autonomie de mouvement et une réactivité qui n'existe pas chez les manifestants classiques. Des auteurs évoquent, pour les qualifier, la trilogie horizontalité, fluidité et volatilité. Certains observateurs font le parallèle avec le guérillero urbain qui est, ouvrez les guillemets, un homme armé qui lutte contre la dictature militaire ou toute autre forme d'oppression par des moyens non conventionnels. Il lutte dans un but politique et n'attaque que le gouvernement, les grands capitalistes et les agents de l'impérialisme. Fermez les guillemets. En effet, les membres d'un Black Bloc rejettent tout ce qui est lié à la mondialisation, au capitalisme, à la société de consommation et à l'autorité. Ils disent lutter contre deux formes de violence, la violence économique et la violence étatique, en particulier celle des forces de l'ordre. Pour eux, ouvrez les guillemets à nouveau, réprimer les Black Blocs, c'est s'attaquer aux conséquences des inégalités de la société en prenant soin de ne pas en voir les causes. Fermez les guillemets. Cela revient à défendre ces inégalités et le système qui les produit, fermez à nouveau les guillemets, parce qu'en fait il y avait des guillemets dans le guillemet. J'espère que vous avez compris. Les Black Blocs ciblent donc des objectifs divers, mais pas neutres. Bâtiments représentant l'État, grandes sociétés commerciales, panneaux publicitaires. Ce sont principalement des biens matériels qui sont touchés, car, ouvrez les guillemets, la non-violence ne signifie pas qu'ils ne peuvent pas recourir à la force, mais que leurs actions ne doivent viser que des biens et non des êtres humains. Fermez les guillemets. Toutefois, les forces de l'ordre sont également prises à partie, mais de manière plus indirecte. Une seconde partie qui a trait plus à une tactique inhabituelle fondée sur la solidarité. Les Black Blocs n'ont pas de moyens très importants. Ils utilisent majoritairement des objets et armes artisanaux. Il faut différencier trois types d'objets. Ceux qui permettent l'anonymat, ceux qui servent à l'attaque et ceux qui sont pour la défense. Pour masquer leur identité, les participants s'habillent tous en noir, se cachent avec un foulard, une écharpe ou une cagoule et une casquette. Ou une capuche, mais toujours noire. Ils prennent le soin d'emmener des habits de rechange, d'une autre couleur, pour se fondre dans le reste du cortège de manifestants une fois les actions terminées. Ainsi, l'anonymat est garanti dans le Black Bloc et dans la foule. Passés à l'action, les Black Blocs emmènent leurs propres outils, marteau classique, brise-vitre, burin, pioche, pour utiliser tout ce qu'ils peuvent trouver dans la rue. Mobilier urbain, pavé, goudron, caddie, etc. Ils confectionnent également leurs propres armes comme des bombes et projectiles de peinture, des engins incendiaires ou encore des banderoles renforcées avec des clous et vis en direction des forces de l'ordre. Lorsque cela est possible, ils récupèrent aussi les grenades lacrymogènes lancées dans leur direction pour les relancer vers les forces de l'ordre. Quant à leur défense, elle est assurée au niveau individuel par les écharpes, foulards ou cagoules, des masques à gaz et des lunettes de plongée ou de ski pour se protéger des fumées et des gaz, et les gants en cuir pour éviter les brûlures par les grenades lacrymogènes. Certains participants au Black Bloc se fabriquent des protections artisanales solides pour les bras et les jambes afin de limiter les blessures. Au niveau collectif, les banderoles renforcées par des plaques en bois, des poignées ou accrochées sur des caddies permettent de protéger le premier rang des coups de matraque et, au contact, d'éviter la fragmentation du bloc. L'interpellation d'un individu est rendue difficile, voire impossible. Au niveau tactique, les techniques des Black Blocs dépendent de leur but, attaquer ou défendre, et de leur cible, force de l'ordre ou bien matériel. Dès la formation d'un Black Bloc, les participants utilisent la méthode dite du « coucou ». Tel oiseau qui pond dans les nids des autres, ils s'infiltrent dans les cortèges et apparaissent au cœur de la manifestation sans que celle-ci n'ait été prévenue de l'existence du Black Bloc à l'avance. Ce regroupement rapide et inopiné constitue souvent une surprise. Ensuite, le Black Bloc va donc tenter de se séparer du cortège, soit en le dépassant par l'avant, soit en le quittant sur les côtés, dans le but d'atteindre plus facilement les cibles visées. Lors de l'attaque, une autre tactique spécifique au Black Bloc est le swarming, l'essaimage, qui consiste à se disperser en petits groupes au moment des actions pour saturer les services d'ordre adversaires, puis à toujours se rassembler au sein du bloc pour assurer une défense de manière solidaire. Ce groupement n'est pas sans rappeler les bancs de poissons, qui sont une agrégation d'individus de la même espèce, mais sans aucune hiérarchie. Cette forme leur permet d'être à la fois mobiles et soudés pour se défendre. Cette recomposition perpétuelle est un défi pour les forces de l'ordre, plus habituées aux casseurs traditionnels qui se dispersent après leurs actions et qui sont donc plus faciles à arrêter car ils sont seuls ou peu nombreux. Les actions offensives des Black Blocs consistent de manière générale en des destructions de mobilier urbain spécifique, en des détournements de publicité ou en des tags leur permettant de faire passer leur message politique. Les plus récurrents tiennent à la haine de l'État. Par exemple, « Ne prenons pas le pouvoir, détruisons-le »,« Kein Staat ist mein Staat »,« L'État, c'est l'absence de l'État ». Des slogans comme « Contre les forces de l'ordre », comme « Tout le monde déteste la police »,« ACAB, all cops are bastards »,« Tous les flics sont des salauds ». Ou des slogans concernant le capitalisme comme « À vos ordres, mon capitalisme »,« Mort aux entreprises multinationales », Tant qu'il y aura de l'argent, il n'y en aura jamais assez pour tout le monde, etc., etc. Ouvrez les guillemets, l'objectif d'un Black Bloc est d'indiquer la présence dans la manifestation d'une critique radicale du système économique et politique. Fermez les guillemets. Les médias et responsables politiques relaient rarement ces messages revendicatifs. Et renvoient souvent aux seules dégradations. Les Black Blocs sont du coup mal connus du grand public. Quand ils s'attaquent aux forces de l'ordre, les Black Blocs restent plus en retrait. Ils, entre ouvrez les guillemets, travaillent plutôt à distance, voire par voie aérienne. Fermez les guillemets. Ils utilisent alors tout ce qui peut servir de projectile. Pavés, bouteilles vides, cailloux. Pour les lancer en direction des forces de l'ordre. C'est alors une pluie d'objets qui s'abat sur elles. Les participants cherchent aussi à réduire la vision des forces de l'ordre, soit en utilisant des bombes et projectiles de peinture sur les visières et les casques et boucliers anti-émeutes pour les obliger à quitter temporairement le terrain pour se nettoyer, soit en récupérant les grenades lacrymogènes pour les renvoyer dans leur direction. Cela permet notamment aux autres membres du Black Bloc de se disséminer pour continuer leur destruction ou tag sans être inquiétés. Il existe donc bien une coordination au sein d'un Black Bloc, même si tous ne se connaissent pas. Les modes d'action sont partagés. Cette solidarité se retrouve également à l'endroit des autres manifestants au plan défensif. Ainsi, lorsqu'un Black Bloc remonte en tête de cortège ou tente d'en sortir par les côtés, cela permet de limiter la présence d'autres manifestants entre eux et les forces de l'ordre, et donc de protéger ces premiers, les manifestants courants. Dans le cas d'intervention des forces de l'ordre, les membres d'un Black Bloc n'hésitent pas à tenter de libérer les personnes arrêtées, à faciliter leur fuite, qu'elles soient ou non membres de ce Black Bloc. Cette qualité de membre importe peu aussi lorsqu'un groupe est encerclé dans une nasse. Le but est alors de percer l'encerclement des forces de l'ordre ou de les entourer pour les bloquer à leur tour. Cette volonté de déjouer les tactiques des forces de l'ordre existe aussi quand les Black Blocs les empêchent de diviser le cortège pour isoler une partie des manifestants et manifestantes, notamment en investissant, je vais y arriver, notamment en investissant massivement les trottoirs et les espaces sur les côtés du cortège. Il existe d'autres entités qui viennent en aide aussi bien aux contestataires classiques qu'aux membres des Black Blocs. Il s'agit des Street Medic et de DEFCON. Pareil, là je me permets une toute petite note, c'est au sujet du DEFCON, dont il sera question plus tard. C'est un des rares endroits où j'ai l'impression que c'est pas très très très bien documenté. Mais bon, je reprends donc la lecture. Les Street Medic, les médecins de rue, sont nés aux États-Unis dans les années 1960 et sont reconnaissables à leur croix rouge sur leur casque, brassard et sac à dos. Ils ne manifestent pas... Je suis désolée, je suis obligée de refaire une petite digression. Il n'y a plus de croix rouge puisque l'État a trouvé intelligent de faire un procès à des street medics pour port de la croix rouge alors que la croix rouge n'a absolument rien demandé. Donc depuis, c'est souvent d'autres choses qui font penser aux croix rouges, mais ce n'est plus les croix rouges qu'il y a sur les street medics. Mais au demeurant, c'est très reconnaissable. Je reprends donc la lecture, promis, j'essaye de ne plus digresser. Donc les street medics, ils ne manifestent pas, mais sont là pour apporter un secours médical au plus près des cortèges. Quant à DEFCOL, qui signifie défense collective, c'est un collectif d'avocats volontaires créé en mars 2016 qui apporte un soutien juridique et défend des personnes interpellées et mises en cause pendant les manifestations. Les noms de ces avocats sont connus, circulent pendant les manifestations et sont criés aux personnes lorsqu'elles sont arrêtées. Malgré leur mode d'action particulier, les Black Blocs bénéficient du soutien de ces deux organisations au même titre que n'importe quel autre manifestant. Le côté violent passe au second plan. Néanmoins, l'existence de ces deux entités pose question car cela signifie que les services similaires existants, secours, pompiers notamment, ne suffisent plus ou ne sont pas jugés suffisamment adaptés à l'intervention au cœur des manifestations. C'est aussi le signe d'une transformation, d'une spécialisation d'une partie du cortège que les forces de l'ordre se doivent désormais de prendre en compte. L'intervention sur un blessé va ainsi poser deux problèmes. Le premier concerne la concurrence pour la prise en charge entre SAMU et Street Medic. Le second concerne l'attitude des forces de l'ordre qui peuvent chercher de leur côté à vérifier la gravité de l'incident, voire à faciliter des secours traditionnels. Peuvent s'en suivre des problèmes de communication entre manifestants et forces de l'ordre. Enfin, une dernière partie qui s'intitule « Une nouvelle forme de contestation, un défi pour les forces de l'ordre ». Cette partie traite plus de la défense à mettre en place du côté des forces de l'ordre. Face au développement des Black Blocs, les forces de l'ordre doivent adapter leurs réponses. Pour cela, elles doivent respecter deux principes essentiels dans le maintien de l'ordre, la proportionnalité et la gradation de l'action. En effet, elles ne doivent pas négliger leur propre effet générateur, amplificateur de troubles à l'ordre public, fermez les guillemets. Pour les Black Blocs, ouvrez à nouveau les guillemets, la surprésence policière est une provocation, fermez les guillemets. Ce que confirme en partie le directeur général de la gendarmerie nationale, le directeur Denis Favier. Ouvrez les guillemets, si les forces de l'ordre sont trop équipées, elles donneront une impression guerrière, contradictoire avec l'objectif poursuivi. Les guillemets. A l'inverse, si le dispositif apparaît trop faible, cela incite aux actes répréhensibles car la répression semblera potentiellement peu efficace. Il faudra donc prendre garde au processus de remilitarisation du maintien de l'ordre qui semble se développer avec le recours aux armes non létales telles que les flashballs et les grenades de désencerclement. Puisque les Black Blocs utilisent des techniques différentes et plus virulentes de celles des manifestants classiques, peut-être faudrait-il adapter la gradation et les modes d'action des forces de l'ordre en fonction du public concerné. Pour exemple, en Allemagne, en matière de sport, ouvrez les guillemets, le principe est une division du travail, les acteurs sociaux et les clubs ayant à gérer les supporters classiques et la police gérant la catégorie des hooligans, fermez les guillemets. Rapporté à la gestion des manifestations, ce système laisse aux services d'ordre des organisateurs des manifestations la gestion du simple cortège et aux forces de l'ordre celle des membres plus actifs tels que les Black Blocs. Cela permet une prise en compte du phénomène Black Bloc plus ciblée et plus minutieuse. La législation française permet par ailleurs une action préventive pour des personnes masquées. Autre point important à développer... Un autre point important à développer, c'est la communication entre, d'un côté, le cortège et le Black Bloc, et de l'autre, les forces de l'ordre. Ces dernières tendent effectivement plutôt à développer, ouvrez les guillemets, le raffinement des techniques d'intervention sans considérer le volet complémentaire indispensable, la communication. Fermez les guillemets. À ce niveau encore, nos voisins allemands ont mis en place un nouveau modèle de maintien de l'ordre dont la France pourrait s'inspirer avec une doctrine dite de désescalade. D'escalation. Je ne sais pas comment on dit. Cette doctrine contient quatre axes directifs principaux. Parmi eux se trouve le développement de la communication à tous les stades du maintien de l'ordre. Il s'agit de déterminer précisément quoi communiquer, à qui et comment. Pour atteindre cet objectif, les policiers allemands emploient les grands moyens, à savoir des véhicules dotés de haut-parleurs et des écrans LED géants pour informer la foule. Hormis les sommations, dont les modalités ne donnent pas satisfaction, il n'y a à l'heure actuelle en France aucune communication directe entre les foules et les forces de l'ordre. De nombreux pays, Suède, Danemark, Pays-Bas, Angleterre, Suisse, ont également mis en place des officiers de liaison qui servent de relais entre les forces de l'ordre, sans en être, et les membres d'un Black Bloc. J'avoue que là-dessus, j'ai dit que je faisais plus de digressions, je n'en fais plus. Je suis quand même un peu surprise. Cela permet une meilleure diffusion des informations et une meilleure connaissance du phénomène puisque les renseignements sont pris directement à la source. Oui. En France, le recrutement d'intermédiaires se met en place peu à peu. Mais il faut donc continuer dans cette voie pour pouvoir développer un dialogue essentiel pour le maintien de l'ordre, encore plus avec les Black Blocs qui n'ont pas de délégués et de représentants à contacter, contrairement aux cortèges syndicaux notamment. La différenciation et le ciblage des interventions du maintien de l'ordre constituent un autre axe prôné par la doctrine de désescalade. Alors qu'en France, les interventions dans le cortège ont principalement pour but d'interpeller une personne, en Allemagne, elles servent d'abord à extraire les individus trop virulents qui nuisent au bon déroulement de la manifestation, même s'ils n'ont pas forcément commis d'infraction. Ces extractions sont diffusées sur les écrans et expliquées aux autres manifestants pour justifier l'intervention des forces de l'ordre. Cette prise en charge en amont permet d'apaiser les tensions qui peuvent naître entre manifestants. Oui. Enfin, en cas d'infraction, le contexte même de manifestation est un facteur contraignant pour ce qui concerne la recherche de preuves et la validité de la procédure qui en découle. Les interventions se font dans des conditions qui ne permettent pas toujours, c'est le moins qu'on puisse dire, de recueillir tous les éléments nécessaires. Toute interpellation, hors flagrant délit évident, devrait se faire sur la base d'éléments probants suffisants, photographies, images, vidéos, témoignages de plusieurs membres des forces de l'ordre, afin de permettre des poursuites judiciaires. On peut constater aujourd'hui une modification de la physionomie des manifestations, ce qui constitue une gageure pour les forces de l'ordre françaises. Faire face de manière effective aux nouveaux phénomènes que représentent les Black Blocs passera sans doute par une intensification de la coopération et des échanges de bonnes pratiques entre pays concernés. Voilà, c'était la fin de la note du CREOGN, paru en juillet 2016, donc c'est le centre de recherche de l'école des officiers de la gendarmerie. Et vous trouverez tous les liens en description de cet enregistrement sonore. Sur ce, je vous laisse, vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et vous dis à très bientôt dans les rues, vu ce qui nous attend au niveau social, au niveau casse du droit du travail, au niveau... Oh là là, bon bref, à très bientôt dans les rues, j'espère. Et puis voilà, à très bientôt aussi par contre.